Fais le signe. Famille, oseille, Dounia. Cops, cops, cops. Uzi, cagoule, D-Max. Sur la vie de ma mère, sur la vie de ma mère. À la base, je suis un mec bien. Mais c'est pas ta m'ont rendu méchant. Tu fais le voyou dans mes questions. Je vais te niquer sa mère, moi je vais pas te ramener des gens. On garde au sol quand je te parle, PD. Alors comme ça, tu me m'appares, toi. En vrai, ça crut qu'on était seuls, PD. Tu veux la guerre, alors prépare, toi. Il veut nous baiser, alors ben oui. T'inquiète pas, on va le soulever chez lui. Il a pas vu la taille de nos plaies, oui. Voilà sur la joue, ben ouais, c'est mon côté chez oui. Mon colère est photo, je ne me plains pas. Devant ces putains de questions que je perds pas. Les arabes et les noirs, on sait même pas. On se pute une chandra, y'en a plus que Marine Le Pen, pas. J'suis de la génération Scarface. Ma cité va craquer la haine et la mentale. Mais ne parle plus de mental. Si tu rentres en prison, personne t'envoie de mandat. J'ai demandé à Dieu un dem-dem. Mais Dieu ne marche pas de cette façon. Alors j'ai volé un dem-dem. J'suis parti à la mosquée, j'ai demandé pardon. Oh là que j'aime trop la guerre, allez venez. Avant de leur faire du sale, j'écoute du Vianney. Je joue de la guitare, je joue du piano. Depuis que j'suis dans le game, sur le Coran, ils sont tous fanés. Sans pitié, j'ai visé la glotte. Clochard, moi j'ai jamais tremblé pour payer la note. J'veux me marier, faut payer la dot. Pour payer la dot, je vais revendre de la cop. Ils m'ont piqué, ils veulent que je riposte. J'écoute Arwaniya, j'écoute du Mikos. Un contrat sur ta tête, ça se négocie. Je vais niquer ta mère, t'as une herbicose. Je sais que t'as bien compris, je veux le pouvoir. Sortez les parapluies, il risque de pleuvoir. Dans ma team, y'a que des gros, y'en a un qui a trop mécrit, dit Harry Cross que je ne veux plus le voir. On a du sang sur les mêmes et on a beaucoup d'humour. On n'est pas des hypocrites.